ça se mélange tout le temps. Que les choses se fraîchent et ne se ressemblent pas. Je marche mes pieds dans la garnette chaude, tandis que le bon sens va marcher. Celui qu'on avait, celui qu'on aimait. Celui en couvant, vu harnais, mais d'avancer comme si de rien n'était. Mes entailles dans mes pieds me piquent. Les roches sur mes nerfs sont comme des pics de kit. Et je me mets à penser à une tour énorme, bordée de somptueuses lucarnes en prévue. Où je m'endors copieusement, dans un lit de ville de loterie. Perdant. Ça va être tout, pas de sac, pas de paradise. Non, je n'ai pas la carte Air Miles.